Le monde est gris, le monde est bleu. Et la tristesse brûle mes yeux. Mon cœur est gris, mon cœur est bleu. Je ne pourrais pas être. Peu à peu.